balance ma première couche. Tire ma première cartouche. Tout le monde se couche quand l'enfant du sud zèpe la touche. Fais mes histoires qu'on se bouge et l'industrie a fou. J'ai pris trop de peur dans la tronche et j'ai plus rien d'autre dans ma bouche. Si l'on revient tous à la source, y'avait pas de son, juste des belles, des pioches et les frères qui chantonnaient en douce. Pourquoi l'argent a mis sa merde et ses histoires louches? Quoi certains baisent et d'autres baisent leur poignet dans la touche. C'est dans le fond que le rap a pris des allures d'horloge. Je me couche avec cette rage de ne pas avoir fait d'approche. J'ai vu la chance apparaître et vite me tourner le dos. J'ai su reconnaître les traîtres et les discours qui sonnaient faux. On ouvre des portes et on referme, certainement comme d'autres, sans parfois s'apercevoir que ce bloc paraît pas être le nôtre. Tout le monde affronte certains prix, d'autres se trompent. Mon père a fondé sa villa et voit que toute sa famille s'effondre. J'suis désolé car inconsciemment ton regard te trompe. Plus capable de t'affirmer quand le tout puissant te gronde. Sois pas méchant et ni un sage, ne jalouse pas de ceux qui réussissent. Serre-toi-en, tire-toi de cette cage. On tient la mine et gratte du papier jusqu'à l'or. Tandis que certains frères chassent l'euro sans crainte à l'escalade. J'ai l'impression que mon tunnel est plus long que les autres. Que toutes les foutaises que l'on entend contaminent toutes les zones. J'ai décidé de mettre mes quatre vérités sur table. Si la baston est bien tentante, la discussion est plus rentable. Comprends mes gars et l'absence de leur sourire à table. Si l'on augmente le ton quand tu t'éloignes, c'est pour bien que tu l'entendes. J'suis pas venu éponger toute la tristesse de ce monde. J'suis ce petit étranger qui danse plaid n'a pas trouvé sa montre. Passe-moi le gaz qui augmente le volume que je te le démontre. J'aiguise la rime à la mort, fais-y de la place pour qu'elle se montre.